Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté la mine de charbon de la jeunesse de Jikdong 8 février du complexe houillé de la jeunesse du district de Suncheon, animé de la production dès le nouvel an. Il a fait le tour de divers endroits de la mine pour s'informer en détail de l'état de production et encourager les mineurs à la production accrue. Lors de la réunion consultative sur place, on a discuté des problèmes pour concentrer les forces au creusement prioritaire et offrir à temps les installations et matériaux nécessaires à la production.